brûler quelques ronds de fumée qui s'échappent des barreaux pour monter tout là-haut. Mais la cage est fermée pour mon rêve prisonnier et mes ronds de fumée s'amendent un escalier. Tabac blond, tabac noir, ma copine cigarette. Quand j'ai trop le cafard, je craque une allumette. Un papier qui grésille, le sourire d'une fille. Quand j'ai trop le bourbon, tabac noir, tabac blond. Y a des yeux bien trop grands, que le ciel est tout gris sur la tête des enfants. Dès la première bouffée, au mégot écrasé, t'as le temps de rêver que t'es plus prisonnier. Tabac blond, tabac noir, ma copine cigarette. Tu nourris ma mémoire quand il pleut dans ma tête. Tabac noir, tabac blond, quelles que soient les raisons, faut choisir ses poisons, nicotine ou boulon. Quand tu vas te balader, je te le donne en mille. Qu'est-ce que tu vas chercher? Les lumières d'un bistrot pour trouver quelques potes. Une sèche, un mégot, une tige, une clope. Tabac blond, tabac noir, ma copine cigarette. Quand tu roules sous mes doigts, je fous de la planète. Y'a plus d'oiseaux en cage, t'es sauvé du naufrage. Tabac noir, tabac blond, nicotine au bourbon. Une cigarette, quand tu roules sous mes doigts, je fous de la planète. Tabac noir, tabac blond, quelles que soient les raisons, faut choisir ses poisons, nicotine.